Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 11. De la science innée ou infuse du Christ. Étendue de la science infuse dans l'âme du Christ. Son usage sans le secours des images. Son rapport avec le raisonnement. On la compare avec celle des anges. Elle était une science habituelle, qui se divisait en plusieurs habitudes distinctes, selon le mode naturel à l'âme humaine. 1. Le Christ connaissait-il tout par sa science innée ou infuse? Si le Christ n'avait pas tout connu par sa science infuse, Isaïe 11, 2, n'aurait pas fait cette prophétie. Il sera rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, de science et de conseil, quatre dons qui comprennent tous les objets de la connaissance. Il convenait, afin que l'âme du Christ atteignît sa perfection dernière, que tout ce qui entrait dans sa puissance fût réduit à l'acte. Elle a donc connu, par sa science divinement infuse, tout ce qu'embrassent les sciences humaines. Et toutes les choses que les hommes connaissent par la révélation divine, ce n'est pas, cependant, par cette science qu'elle connaissait l'essence de Dieu, c'était par sa science bienheureuse, dont on a parlé dans la question précédente. 2. Le Christ pouvait-il faire usage de sa science infuse sans avoir recours aux images sensibles? Dans l'état de la claire vision, avant comme après la résurrection générale, les âmes bienheureuses ont la faculté de connaître les choses sans le secours des images sensibles. Ainsi en était-il de l'âme du Christ, qui, même avant sa passion, jouissait de la claire vue. Note. Les images, dira-t-on, sont pour l'intelligence de l'homme ce que sont les couleurs pour la vue, l'esprit ne voit rien sans elles. La comparaison n'est pas juste de tout point. L'intelligence peut se trouver dans une condition telle que les espèces intelligibles lui suffisent pour comprendre, sans qu'elle ait besoin de recourir aux images sensibles. L'âme du Christ, qui jouissait de la claire vue, était dans une telle condition. Les sens lui étaient cependant utiles sous deux rapports. D'abord, pour qu'elle pût connaître à l'aide des images, quoiqu'elle n'y fût pas astreinte, ensuite, pour subvenir aux nécessités de la vie corporelle. 3. La science infuse du Christ comportait-elle le raisonnement? Doué d'une âme raisonnable, le Christ possédait par là même la faculté de comparer et de raisonner. Il est vrai qu'en passant d'une chose à une autre, par exemple, de l'effet à la cause, ou réciproquement, il n'acquérait pas de nouvelles connaissances. Sa science infuse, dont nous parlons maintenant, n'était pas le fruit des investigations de la raison, elle venait de plus haut. Néanmoins, elle comportait le raisonnement, et il pouvait, à son gré, déduire une vérité d'une autre, tout comme on voit les savants conclure parfois de la cause à l'effet, en faisant usage d'une science qu'ils possèdent déjà, et non pour acquérir une connaissance nouvelle. Nous lisons dans l'Évangile, Matthieu 17, 24, qu'à cette question, de qui les rois de la terre reçoivent-ils le tribut, de leurs fils, ou des étrangers ? Saint Pierre ayant répondu que c'était des étrangers, notre Seigneur tira cette conclusion, les fils sont donc libres. 4. La science infuse du Christ était-elle supérieure à celle des anges? À raison de sa cause qui était en Dieu, la science innée ou infuse du Christ était bien plus excellente que celle des anges, tant pour le nombre des objets connus que pour la certitude. La lumière de la grâce spirituelle reçue par son âme était de beaucoup supérieure à celle qui éclaire la nature évangélique. Considère-t-on la science infuse de l'âme du Christ sous le rapport de ce qu'elle tenait de son sujet, c'est-à-dire en tant qu'il est naturel à l'âme humaine d'acquérir ses connaissances en recourant aux images sensibles, aux comparaisons et aux raisonnements, elle était, à ce point de vue, inférieure à celle des anges. 5. La science infuse du Christ était-elle habituelle? La science infuse dans l'âme du Christ était habituelle, car le mode naturel à l'âme humaine est de recevoir cette science à l'état d'habitude. Il pouvait en faire usage, à sa volonté. Note. L'âme du Christ avait deux sortes de connaissances, chacune très parfaite à sa manière. Elle voyait l'essence divine, et, dans cette essence, les autres êtres, par une vue toujours actuelle. L'autre connaissance, proportionnée à la nature humaine, consistait à connaître les êtres par les espèces intelligibles, divinement infuses en elles, celle-là n'était pas toujours actuelle, quoiqu'elle fût très supérieure dans le genre de la connaissance humaine. Fin de la note. 6. La science infuse du Christ se partageait-elle en plusieurs habitudes distinctes? La science infuse dans l'âme du Christ y résidait de la façon naturelle à l'âme humaine, comme les sciences forment en nous diverses habitudes, parce que les objets de nos connaissances appartiennent à différents genres. La science infuse du Christ se divisait aussi en des habitudes diverses. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.